Hey, yo, yo, c'est F2Zik le Celtic, JB Master Blaze. Yeah, vas-y, fais-toi plaisir, débouche tes bouquets. C'est 2010 dans les studios, nouvelle équipe du Barrio. Elle est Tokyo, San Francisco. Yeah, F2X le Celtic revient hardcore sur la rythmique, instru type électronique. Vas-y les Sunsys 2010, fais tes valises, je retresse la tour de piste. Est-ce que tu piges depuis que j'ai 10 piges? Je rappe sans les tiges. Si t'entends pas, je t'enfonce le coton tige. Je suis avec JB Master Blaze. Si t'entends pas, débouche tes boules caisse. Si tu rappes, c'est du street life. Si tu freestyle, c'est du street life. Si tu connais pas, c'est du street life. Si tu reconnais pas, c'est du street life. Si tu l'achètes pas, c'est du street life. Si tu le trouves pas, c'est du street life. Si tu le kiffes, gars, c'est du street life. Si tu l'achètes pas, c'est du street life. Ça se passe en direct de la rue Paris. Ça se passe en direct de la rue Compris. Ça se passe en direct de la rue Paris. Ça se passe en direct de la rue Compris. On veut pas finir en tête d'affiche placardée partout. Nous les petits bâtous, on évite les jaloux. La gloire on en veut pas, on vous la laisse. On n'est pas les doutous tout nus en laisse, l'âge du lest. Yeah, c'est du freestyle underground. Ça joue comme un coup de basket sur le round. C'est du freestyle, du free fight. C'est les deux frelons, vas-y fais Bellex, c'est full time. Notre son a de l'impact, il est violent. Notre son a de l'impact, il est pas lent. On a du débit, on présente pas l'Imp City. C'est les deux refrains, est-ce que c'est compris? Nous sous-estime pas, t'inquiète, on ouvre le débat. Balance l'instru, je te fais l'impro. J'suis pas un intrus, moi j'suis nouveau. Mais j'vais lâcher du lourd avec le refrain. Est-ce que c'est compris? Faut qu'il fixe, JB Master Blaze. Hip hop freestyle, underground style. C'est pour les mecs, les b-boys de la street. Vas-y, vas-y, kiff, double clic. C'est fou qui fixe, JB Master Blaze. C'est fou qui fixe, vas-y, fais-toi Blaze. C'est fou qui fixe, JB Master Blaze. C'est fou qui fixe, vas-y, fais-toi Blaze. Fais péter la basse, c'est fou qui fixe. Fais péter la basse, JB Master Blaze. Fais péter la basse, c'est fou qui fixe. Fais péter la basse, JB Master Blaze. Nous on ose parler de sujets qu'on choquait. Nous on ose parler de trucs sensés. Nous on représente le rap français depuis qu'on est tout petit. Élevé à la Master Boy, on arrive pour tout destroy. Nous on veut juste apporter la nouvelle touche, la touche musicale qui te fait danser. Nous on veut juste apporter la nouvelle touche, la touche musicale qui te fait kiffer. Ok, écoute ça, c'est le refrain qui va prendre le troisième couplet. Ça va choquer l'opinion publique. Nous on n'est pas là pour faire de l'ego trip. Écoutez ça les gars, préparez le hypo. Mais une fois quand je prends le micro, dis-moi pourquoi je suis interdit à la radio. J'ai beau envoyer ma quête rodée, ça fait 5 années que je prépare mon CD. Je l'ai envoyé aux maisons de 10, les gars m'ont dit c'est pas possible. T'es trop hostile sur le micro, lâche un peu dans le flow. Sois un peu plus souple dans les couplets, attends le refrain pour t'exciter. Et moi je suis trop excité, dès le premier couplet, je lâche des molars. Yeah, je suis un mec barbare. Je fais du street life pour les loups. Tiki tiki tiki tiki bla bla bla. Tiki tiki tiki tiki bla bla bla. Tiki tiki tiki tiki bla bla bla. Eh mon gars, écoute ça. Si tu rap, c'est du street life. Si tu freestyle, c'est du street life. Si tu connais pas, c'est du street life. Si tu reconnais pas, c'est du street life. Capella, vas-y pécho mon gars. Yeah, did you right? Yeah, come on, 39. I'm again.